Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le curé Labelle, le roi du Nord. C'est un colonisateur. C'était pas facile dans le temps. Je venais chercher des gens à Montréal pour aller, parce que les gens étaient partis de la campagne, venir en ville, pas pour retourner à la campagne. Écoutez un peu, autrement, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Mais il a trouvé le tour d'en débaucher et des amener. Et puis, il en a semé tout le long. D'abord, il a commencé par développer Saint-Jérôme, parce que tous les petits villages, puis il a monté jusqu'à Mont-Laurier. François-Xavier Antoine Labelle, celui qu'on appellera tout simplement le curé Labelle, va jouer un rôle fondamental dans le développement des pays d'en haut, l'actuelle région des Laurentides, mais deviendra aussi une figure légendaire qui va marquer notre imaginaire collectif, beaucoup grâce à la représentation qu'en feront ces grandes séries populaires qui seront présentées au fil du temps à la radio, mais aussi à la télévision. Colonisateur, nous dit l'historien Hector Grenon dans l'extrait qu'on vient d'entendre, colonisateur, mais aussi homme d'action qui n'hésitera pas à se rapprocher des milieux politiques pour en arriver à ses fins. Vous avez bien connu le curé Labelle. Ah, j'ai servi à messe pour lui. En quelle année ça? Ah, ça doit être alentour de 1890. Mais c'est incroyable lorsqu'on pense à ça, parce que c'est devenu une légende, ça, le curé Labelle. C'était un homme auprès de moi. Moi, j'étais tout petit, à côté de lui, un homme qui pesait 333 livres. Vous souvenez-vous de quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais 9 ans. Alors, à tous les matins? À tous les matins. Quelle sorte d'homme c'était? Oh, grand et gros et fort. Mais son caractère? Il était mauvais. Il était mauvais. Est-ce qu'il s'est déjà emporté contre vous? Il ne voulait pas faire rien de croche, pas se tromper. Il nous le disait, il nous manquait pas. Il parlait pas, lui, du bon Dieu, en chair. Il parlait des animaux, puis colonisait le Nord. Des vaches, des chevaux, des volailles. Il parlait de ça en chair. C'est ça qu'il parlait, qu'il l'occupait. Et puis, il a travaillé fort pour avoir le chemin de fer. Dans le train pour Saint-Adèle. Henri Cusson, qui livrait ses souvenirs du curé Labelle à l'émission Présent en 1969, pour nous présenter le curé Labelle, l'homme et son projet, ce projet de développer le Nord, ce projet de train du Nord, comme le chantait Félix. Éric Bédard, professeur à la TELUC, historien qui est avec nous. Éric, qui est Antoine Labelle? Alors, Antoine Labelle, c'est quelqu'un qui est né en 1833 et qui est décédé assez jeune, en 1891. C'était vous savez, l'image qu'on a peut-être un peu conservée du curé dans notre mémoire collective, c'est l'homme pieux, plus enclin peut-être à la contemplation, un homme d'un certain rigorisme moral. Alors, c'est pas du tout le cas du curé Labelle. Le curé Labelle, c'est le volontarisme viril, c'est l'homme, c'est le charisme, c'est la fougue, c'est le tempérament. Alors, c'est un homme dont on connaît assez peu les 35 premières années de vie. Mm-hmm. On sait qu'il est né à Sainte-Rose, donc sur l'île de Laval, le 24 novembre 1833, qu'il a fait ses études classiques au séminaire de Sainte-Thérèse, donc il a probablement été repéré dans sa paroisse comme étant un jeune élève brillant. Et donc, il a complété ses études classiques en 1852, c'est tout. Ouais. C'était, autrement dit, un bon cégep. Ouais. C'était la formation des élites de l'époque. Il va aussi faire des études quand même en théologie et il va être ordonné prêtre dans son village natal en 1856. Ouais. Donc, il sera fait curé par Ignace Bourget, qui était le deuxième évêque de Montréal, un vrai ultramontain. Puis, on reviendra sur sa première cure parce que c'est intéressant, mais un mot quand même encore sur ce personnage volontaire, costaud, nous disait l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a cette série qui est récente, qui a été suivie énormément, les pays d'en haut. Le personnage, qu'est-ce qu'on en sait vraiment, Éric? Dans quelle mesure ça correspond à ce bagarreur, à ce buveur qu'on présente dans cette série-là? Ça, c'est un petit peu... Justement, ça j'avoue que de le voir boire autant dans une taverne du village, ça m'a un peu étonné. C'était pas vraiment un bon vivant, mais de là à boire comme ça avec ses paroissiens coup après coup et même de se battre, c'était un petit peu difficile, fort de café à mon avis. Ouais. Mais la langue truculente, on voit parfois arriver... L'esprit est là. On voit le personnage arriver avec sa soutane toute tachée, pleine de poussière. Ben, évidemment, on est en train de bâtir un pays, on est à la frontière. C'est présenté un peu comme un western québécois. Et je trouve que ça, cet esprit-là, je peux croire, je peux imaginer que c'était pas mal comme ça que ça s'est passé. De là à ce qu'ils se battent dans un bar puis qu'ils prennent autant de verres. Mais il va avoir un appétit assez gargantuesque. Certainement, bien sûr. Et puis son côté généreux, ça, il y a des anecdotes qui sont vérifiables. Oui. Un homme proche de son monde. Ouais. Un homme la proche soutane, de son monde. Quelqu'un va lui dire, parce que ça, c'est documenté, votre soutane, elle est toute sale, elle est vieille, elle sent pas très bon. Ouais. Quelqu'un va lui donner de l'argent pour qu'il s'achète une soutane. Il n'en fera rien. Ça, c'est vrai, là, c'est vérifié. Ouais. Il va donner cet argent-là, il va le redistribuer aux gens qui sont dans le besoin. C'est ça. Oui. Très tôt, on a des témoignages parce que les curés pouvaient avoir des revenus autonomes. Là, ça a été bien documenté par l'historien Serge Gagnon. Alors, le curé Labelle n'échappait pas à la règle, mais on sait par des témoignages que il avait aucun intérêt pour l'argent. Ouais. Il revendait ce qu'il avait si c'était nécessaire. Et peut-être payer une petite tournée de temps à autre. Je veux pas avoir l'air obsédé, mais enfin, il y a un flou. Il débute donc sa carrière comme curé près de la frontière américaine. Et ça, c'est pas banal. Ça va être très, très important pour la suite des choses. De 1859 à 1868, il va être responsable des cures de Saint-Antoine-Abbé et surtout de Saint-Bernard-de-la-Colle. Ouais. Et donc, ça allume une lumière pour nous tous parce que Saint-Bernard-de-la-Colle, c'est la frontière américaine. Et donc, il voit littéralement nombre de Canadiens français quitter le Québec, quitter le Canada français pour aller s'établir surtout dans le nord-est des États-Unis. Parce que ça va mal, il n'y a plus d'emplois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Vous savez, le premier rapport sur l'immigration des Canadiens français, c'est 1849, donc le phénomène date des années 40, mais va s'amplifier à mesure qu'on avance dans le 19e siècle. Et en un siècle, le chiffre est connu, hein, c'est autour de 1 million de Canadiens français qui auraient quitté, mais certains sont revenus, il y avait du va-et-vient, mais beaucoup sont restés, surtout sur la côte est américaine, et aussi une partie au Michigan. Et parmi ces Canadiens français du Michigan, il y aura lointain, plus tard, une certaine Madonna Fortin, qui aura ses ancêtres par sa mère. Donc, il y aura comme ça un nombre... Madonna la chanteuse. Là. Madonna, ouais. Bien sûr. Madonna la chanteuse, dont les grands-parents maternels étaient Canadiens français, de Bay City au Michigan. Et donc, vous avez comme ça des hordes de Canadiens français qui traverse la frontière, et c'est perçu comme une véritable saignée pour la nation. Ça inquiète énormément les élites, et c'est dans ce contexte-là, et ajouté à ça plus tard, 1873, vous avez cette crise très importante au plan économique. 1873, c'est l'équivalent des années 30 pour le 19e siècle, donc une crise de la croissance qui amène la fameuse National Policy de McDonald's, donc on ferme les frontières, le protectionnisme à fond. Donc vous avez tout ce climat qui inquiète des gens comme le curé Labelle et les élites canadiennes françaises de l'époque. Et qui se dit, il faut garder nos francophones chez nous. C'est vraiment quand il arrive à Saint-Jérôme que cette action, que sa vision va commencer à prendre forme. C'est une paroisse, c'est une ville prospère à l'époque. Et là, c'est là vraiment qu'il devient le roi du Nord. Qu'est-ce que c'est son idée? Qu'est-ce qu'il a en tête? Alors, ce qu'il a en tête, c'est, vous savez, depuis les années 1840, on sort, disons, de l'écoumène, là, on sort de la région laurentienne. C'est-à-dire que les zones seigneuriales, d'abord, on abolit le système seigneurial en 1854, les seigneuries étaient déjà pas mal toutes occupées, et donc on cherche des territoires pour se développer. Évidemment, ces territoires-là seront pris d'assaut par les grandes compagnies, surtout les compagnies forestières. C'est elles qui vont un peu gérer le développement, malheureusement pour les prêtres de la colonisation. Mais vous avez le Saguenay qui est développé à partir des années 40, vous avez l'Outaouais, vous avez l'arrière-pays gaspésien qui sera développé un peu plus tard. Vous avez le début, mais vraiment tout début de l'Abitibi à la fin du 19e siècle, mais surtout durant les années 20 et 30. Et vous avez cette région des Laurentides où va être nommé le curé Antoine Labelle. Il va être nommé curé de la paroisse de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme qui est une petite bourgade un peu perdue. Et c'est lui donc qui sera le curé. Et son projet, c'est d'attirer dans cette région des Laurentides, qu'on appelait alors les pays d'en haut, donc d'attirer des colons. Alors, aujourd'hui, on trouve ça un peu bizarre. Enfin, on a cette idée que la colonisation, ça semble une solution complètement d'arrière-garde. Mais pour beaucoup de gens de cette époque, c'était une façon d'occuper le territoire. Absolument. Et ça, c'est fondamental pour lui, cette notion d'occupation du territoire. Puis encore aujourd'hui, il y aura un débat. Il y a des gens dans les régions du pays qui disent c'est par là que ça part. passe. Hein, souvenez-vous de toute cette désertion, les jeunes qui quittaient les régions, l'exode des jeunes il y a quelques années. Donc, l'occupation du territoire qui, pour lui, est essentielle. On écoute le comédien Paul Hébert qui lit un passage d'un ouvrage du curé Labelle sur cette question-là, justement, à l'émission Le Second Pouvoir en 1982. Notre influence dans les conseils des chambres législatives dépend de notre accroissement par la colonisation. C'est en effet celle-ci qui résoudra les graves questions du présent et de l'avenir. Chaque pas fait dans la forêt par le défrichement est une conquête qui fortifie nos droits, nos institutions et nos lois. « Emparons-nous du sol » est un motto qui devrait être écrit en lettres d'or au-dessus de la porte de chaque maison. Négliger d'étendre la colonisation, c'est porter un coup fatal au pays et détruire l'œuvre glorieuse de nos ancêtres. Alors, le lien pour lui, il est direct entre le pouvoir politique et l'occupation réelle du territoire. Évidemment, son terrain de jeu premier, Éric Bédard, c'est les Laurentides, mais il s'intéresse aussi, il demandera à son ami Arthur Buy de lui fournir des rapports, de faire des écrits sur le lac Saint-Jean, sur l'Outaouais, sur Alors, Saguenay. Alors, justement, c'est que ce qu'a noté, par exemple, le sociologue Gabriel Dussault, qui a bien étudié son œuvre, c'est que le curé Labelle cherche à être vraiment à la fine pointe du développement de son époque. Donc, par exemple, il s'intéresse beaucoup à la question de l'agriculture, mais pas simplement l'agriculture de subsistance. Il ne s'agit pas d'établir des colons puis qu'ils produisent le nombre de patates suffisant pour survivre à l'hiver. Il faudrait idéalement produire assez pour exporter. La notion de développement économique. La notion économique, de développement économique. Régional. Exactement. On n'est pas dans l'agriculture de subsistance, on est dans l'agriculture comme moteur économique d'une région. Et donc, c'est comme ça qu'il conçoit le développement de sa région. Il fait donc, en effet, il demande des rapports, il consulte des agronomes, il veut voir, il se demande s'il n'y a pas des lieux pour exploiter des mines. Donc, il y a des enquêtes qui sont faites à ce niveau-là. Il y a aussi une préoccupation pour le développement des ressources naturelles de sa région. Il veut aussi que les gens, si possible, occupent. C'est bien beau d'aller dans les Laurentides, mais on peut s'établir sur des terres, mais on peut vivre aussi à Saint-Jérôme. Il y a des villes, il y a des villages qui vont se développer. Donc, on n'est pas dans une perspective là de on vit à la campagne puis on est né pour un petit pain. C'est pas ça le curé Labelle. Et c'est important parce que l'agriculturisme, la colonisation a été présentée par un historien comme Michel Brunet en 1957, un bon historien par ailleurs que j'apprécie beaucoup, mais il disait que la colonisation, l'agriculturisme, ça participait d'une vision statique de la société, fataliste, résignée. Mais c'est pas du tout ça le curé Labelle. Le curé Labelle voulait mettre à profit toutes les connaissances de son époque pour qu'une région puisse être exploitée, développée à son mieux. Amener la prospérité, au fond. Amener la prospérité. Et donc, le chemin de fer, le fameux chemin de fer du Nord, eh bien, le chemin de fer, c'est le symbole du progrès du 19e siècle. Là. Pourquoi c'est si important pour lui? Parce que d'abord, ça va unir Montréal, ça va unir le grand centre qui est Montréal au pays d'en haut, ça va être le lien direct. En quelques heures, on va pouvoir faire Saint-Jérôme, Mont-Laurier éventuellement. La ligne va être terminée en 1909, hein. On va relier Montréal et Mont-Laurier. En quelques heures, on va pouvoir avoir accès à ces territoires qui, sinon, étaient difficiles d'accès avec des routes, avec des montagnes, avec des cours d'eau. Et donc, c'était la voie pour... Et il va s'associer avec un grand magnat de la finance qui est Hugh Allen. Il va le convaincre de mettre de l'argent là-dedans. Enfin, il va aller voir tout le monde hein, pour que ça fonctionne, son projet. Fin stratège. Il va être un fin stratège. Il va avoir ses assises politiques, on va en reparler. Mais il va avoir aussi ses assises dans le milieu des affaires. La série montre bien à quel point il a été proche d'Honoré Mercier. C'est tout à fait le cas. Oui. Ben, justement, on écoute un extrait de cette série récente, Les pays d'en haut. Et justement, dans cet extrait, il y a le curé Labelle qui, avec son ami Arthur Buy, essaie d'abord de convaincre Honoré Mercier, qui sera premier ministre, de l'importance de ce chemin de fer, mais qui parle aussi de ce que ça va permettre, ce chemin de fer-là. Il y a tout un projet patriotique qui est soutenu et qui est défendu par le curé Labelle. Puis tout de suite après, vous allez entendre le journaliste Robert Lévesque sur le même thème, co-auteur d'une biographie du curé Labelle dans une entrevue accordée en 1980. Avec mon chemin de fer, on peut monter jusqu'à la baie du Tson. Whisky! Il y a rien à faire en haut, là. Personne ne veut vivre là. Ah, c'est pas vrai, ça. Il y a du fer, il y a de l'or. Il y a des forêts à n'en plus finir. Joe, j'ai faim. Amène-moi du fromage, quelque chose. Caroline, du fromage! Avec un train, on pourrait ouvrir des mines, construire des villes, construire des industries, des usines de papier. Bon, tu sais, des barrages. Puis c'est pas tout. Avec mon chemin de fer, on peut construire des villes jusqu'à la baie du Tson. Puis après, on continue les tracks, mais vers l'ouest. Jusqu'au Manitoba. Là où il y a juste des Canadiens français. Vous comprenez? Non. On entoure l'Ontario. Tous les territoires puis les ressources au nord de l'Ontario vont être à nous autres. On encercle les Anglais. Puis on les étouffe. Pas très chrétien, ce curé. Conquérir le conquérant. Pas d'autre solution, Honoré. Avec mon chemin de fer, c'est l'avenir du Québec qui se joue. Le curé Labelle représente très bien là, le point de rupture, le passage entre une mentalité de collaboration qui existait dans le haut clergé, dans le clergé en général, avec les autorités anglaises, les pouvoirs civils, à cette mentalité là, nouvelle qui s'est fortifiée avec l'affaire Riel, là, qui est une mentalité nationaliste, patriotique même, où le curé Labelle s'est fait le premier peut-être à amener le clergé à prendre en main le nationalisme d'ici. Lui, il faisait cavalier seul, hein, le curé Labelle. Oui. Évidemment, les ultramontanistes étaient un peu contre lui, trouvaient qu'il était un peu trop... Trop émancipé, frayait un peu trop avec les libéraux, les rouges, etc. Oui. Ce qui fait que ses rapports avec l'évêque de Montréal n'ont pas toujours été très, très bien non plus à cause de ça. Alors, Éric Bédard, il y a deux grandes idées dans ces deux extraits. On reviendra dans un instant sur ce schisme, cette rupture. Il va déranger sa hiérarchie, le curé Labelle. Mais d'abord, ce projet, grand projet patriotique, qu'est-ce qu'il a en tête? Alors, c'est un projet de reconquête. Alors, comme je vous ai dit, pour lui, la colonisation, c'est pas l'agriculture de subsistance, le repli, le fatalisme, la résignation. C'est une utopie de reconquête. C'est une sorte de messianisme patriotique, c'est-à-dire on va reconquérir le territoire. Et on sait ça grâce à une correspondance qu'il a eue, une belle correspondance qu'il a eue avec un Français, Rameau de Saint-Père, qui avait écrit en 1859 « La France aux colonies ». Rameau de Saint-Père qui était un relais français, c'était un ardent défenseur du Canada français en France, un des rares, et il a d'ailleurs fait des pieds et des mains pour attirer des Français en Amérique du Nord, mais avec peu de succès. Et donc le curé Labelle, par sa correspondance, on sait ces choses-là, on sait qu'il avait ce grand projet de reconquête. C'était en effet un projet patriotique, un projet tourné vers l'avenir. Mais d'étendre, comme on l'a entendu dans l'extrait, là, c'est crédible, ça, d'étendre à l'ouest, au Manitoba, encercler les Anglais. J'ai jamais vu ça dans les textes jusqu'à maintenant, mais on, en tout cas, l'idée de la reconquête du territoire, de la reprise en main, ça, c'était très clair. Donc, autrement dit, c'est intéressant parce que, vous savez, il y a quelque chose dans l'éthos catholique où on dit « notre royaume n'est pas de ce monde ». Il n'y a pas de ça. Le curé Labelle, c'est très ancré dans la terre, dans le politique. Et donc, il va, oui, s'associer avec tous ceux qui sont ouverts à son projet, dont Honoré Mercier. Et Robert Lévesque a raison, c'est-à-dire que 1885, la pendaison de Louis Riel, l'élection d'Honoré Mercier, Honoré Mercier est à la tête d'un parti qui s'appelle le Parti National. Le Parti National, ce sont des libéraux surtout, mais aussi des conservateurs dissidents qui sont en désaccord avec la pendaison de Louis Riel. Il est à la tête d'un nouveau gouvernement, c'est un nouveau souffle, c'est un nouvel élan. Et Honoré Mercier veut donner vraiment un tournant, un élan nationaliste à son gouvernement. Il va développer des liens avec la France, on va l'accuser de grandeur, une politique de grandeur. On va dire que ça va coûter cher, mais il était sur la même longueur d'onde que le curé Labelle, et donc c'est pas surprenant que le curé Labelle soit devenu son sous-commissaire au département de l'agriculture et de la colonisation en 1888. Un sous-ministre au fond. C'est l'équivalent d'un sous-ministre, ce qui est très étonnant pour un curé de paroisse. Et il va aller défendre des dossiers à Québec, donc. Oui. Et puis il y a un héritage là, il y aura des politiques qui seront mises de l'avant par le curé Labelle. Oui, vous avez cette loi du sans-acre pour toutes les familles de 12 enfants et plus, qu'il va promouvoir. Et il va, c'est ça, il va mobiliser tout un ministère en faveur de sa région, mais en faveur de la colonisation en général, pour maintenir, pour conserver. D'ailleurs, il y a peut-être un petit anachronisme dans l'extrait qu'on a entendu d'Antoine Bertrand. Il parle de l'avenir du Québec, mais à l'époque, c'est l'avenir du Canada français. Le Canada français, bien sûr. Bon, son passage à Québec comme sous-ministre, ça va indisposer passablement gentiment, et le mot est, est très poli, la hiérarchie, on va lui demander de revenir à Saint-Jérôme. En fait, ça va se rendre jusqu'à Rome, cette histoire-là. Alors, il y aura en effet, c'est-à-dire qu'un simple curé de paroisse qui devient l'équivalent de sous-ministre, qui a un lien direct avec le premier ministre Honoré Mercier. Honoré Mercier, qui est, oui, un libéral, donc qui est dans cette filiation, dans cette tradition intellectuelle rougiste, qui était à l'époque très contestataire de l'ultramontanisme, d'une certaine hiérarchie, de cette idée que le politique et le religieux ne doivent faire qu'un, même si Mercier est un homme modéré sur ces questions-là et qu'il veut une bonne entente avec l'Église. Mais d'avoir un simple curé qui a cet accès, qui a cette influence, qui a ce pouvoir, eh bien oui, ça va indisposer la hiérarchie, dont son supérieur ecclésiastique immédiat qui est Édouard Charles Fabre, un homme on pourrait dire d'une certaine stature intellectuelle, d'une bonne famille, et qui va considérer qu'il outrepasse ses fonctions de curé, et il va lui intimer l'ordre de revenir à Saint-Jérôme, de s'occuper de ses ouailles. Alors, Mercier va intervenir auprès du pape, hein, c'est dire qu'il tenait beaucoup à conserver auprès de lui le curé Labelle, Léon XIII donc, mais Léon XIII va donner raison à son archevêque Fabre, et peine perdue, donc ce sera la fin de l'aventure du curé Labelle et il va littéralement en mourir. Cette musique qu'on entend, Éric Bédard, c'est celle de cette populaire série qui remonte à pas mal d'années, diffusée dans les années 50-60, la série Les belles histoires des pays d'en haut. Il y a eu un roman, il y a eu un radioroman, il y a eu des séries télé. Quel est le poids de tout ça dans la représentation qu'on se fait du curé Labelle? Ben, le curé Labelle, c'est l'homme du développement, c'est le curé qui était proche des siens, c'est le curé qui souhaitait le développement de son pays, de sa patrie. Claude-Henri Grignon était un homme plutôt conservateur, traditionnaliste. L'auteur du roman, qui est à l'origine de d'Un homme et son péché, qui a été publié durant les années 30. Et il installe le curé Labelle dans notre imaginaire comme un homme qui a voulu vraiment faire beaucoup pour les siens, qui était un homme juste, un homme droit, un homme qui n'était pas donc ce prêtre extramondain, retiré dans son monde, résigné, fataliste. Non, un homme qui se battait pour les siens, qui se battait pour son pays. Éric Bédard, toujours un plaisir, professeur à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.